بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc maintenant on va commencer le cours 11 dans l'explication du les commentaires du livre قرة عيون الموحدين de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله. Et le livre à la base, comme on avait expliqué, c'est écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, parce que c'est le charh de Abdurrahman ibn Hassan du livre Kitab al-Tawhid. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, c'est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le fils de son fils, le fils du fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était son grand-père. Non, il est décédé. Il est décédé depuis des siècles. Des siècles. Ça fait peut-être de Mohammed, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est décédé environ vers 1800. Non, c'est ancien, et donc son petit-fils aussi, ça fait des siècles qu'il est décédé, rahimahullah. Non, ça c'est des ulama qui ont vécu plus que 200 ans, là, même 300 ans là, en arrière. Donc, il dit ici, le cheikh, donc il dit au point où on était rendu la dernière fois, وَذَكَرَهُ الْعِمَادِ. Oui, parce qu'on avait expliqué le hadith des 73 sectes au dernier cours à la fin. Et là, on expliquait, il dit, وَهُوَ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدِ بِن نَصْرِ فِي كِتَابَ الْاِعْتِصَامِ وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ فَلِهَذَا عَمَّ الْجَهْلُ بِالتَّوْحِيدِ الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع ولكن الله تعالى ولله الحمد لم يخل الأرض أو لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله فله الحمد والشكر على ذلك. Donc il dit, donc comme on avait expliqué le hadith des 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça, c'est le groupe qui sera sauvé, c'est celui qui suit ce que moi-même je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et il dit donc ce hadith-là, il est rapporté par plusieurs de plusieurs voix et qui sont authentiques. Et Imad al-Din, Ibn Kathir, il les a mentionnés, et d'autres également parmi les rapporteurs de hadith. Et il dit qu'il est dans les Sunan aussi, et Muhammad ibn Nasr l'a rapporté dans son livre Al-I'tisam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné à ce sujet-là? Ça s'est produit. Quand il avait dit que la division allait venir dans la Ummah, eh bien cette division-là, elle s'est produite aujourd'hui. On le voit, on l'a vu, même pas seulement aujourd'hui, même dans le passé, il y a eu beaucoup de sectes, beaucoup de groupes qui se sont divisés après les trois premiers siècles de la Ummah. Donc pendant les premiers siècles, il y a eu quelques déviations, quelques égarements, quelques bid'as qui sont apparus, mais c'était pas encore propagé. C'était pas propagé partout un grand nombre. Ça a commencé à se propager par la suite, après les trois premiers siècles. C'est là que c'est commencé, que c'est devenu, disons, des sectes qui se sont établies. Parce qu'au début, c'était seulement des individus qui apparaissaient un peu partout avec des idées bizarres ou des paroles qui contredisent le reste de ce que croient les musulmans. Donc au début, c'est des individus qui arrivent avec des bid'a comme ça. Et les salafs étaient vraiment rapides à enrayer ces problèmes-là. Lorsque ces égarements-là apparaissaient, tout de suite, ils réglaient ça en arrêtant ces personnes, puis en les stoppant pour qu'ils ne continuent pas à propager ces égarements-là. Mais c'est par la suite que les choses ont commencé à se propager et que les égarements ont commencé à proliférer. Et donc les ulamas ont donc écrit des livres et des réfutations pour réfuter ces égarements-là. Et il dit, et c'est pour ça que l'ignorance à propos du tawhid a commencé à se généraliser. Alors que c'est la base même de l'islam. Hein? Et il dit parce que c'est le fondement de la religion de l'islam, c'est quoi? C'est que rien ne doit être adoré excepté Allah, et qu'on ne doit adorer Allah que par ce qui a été légiféré. C'est ça la base de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ils disent, ça a été délaissé, et la plupart des gens ont commencé à adorer Allah par du shirk et des innovations, des bid'ah. Il dit, mais par la grâce d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé la terre vide de preuves établies. Et ou de personnes qui prêchent et qui invitent avec science à la religion d'Allah pour réfuter les faussetés et les mensonges et pour établir les preuves d'Allah. Donc la preuve d'Allah n'a pas complètement été éliminée sur terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi les preuves dans le Coran et dans la Sunna, dans ce que Allah a envoyé avec ses prophètes et ses messagers, et ça va rester, alhamdulillah, et ça continue jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh, cheikh Al-Fawzan, il clarifie ces paroles-là. Il dit, premièrement, هذا حديث جيد à propos du hadith des 73 sectes. Il dit, هذا حديث جيد وإن لم يكن في الصحيحين ولكن إسناده جيد صححه جمع من الحفاظ وله طرق يقوي بعضها بعضا لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث وهذا لجهله ولعدم علمه ومعرفته بالحديث. Donc le cheikh dit ce hadith des 73 sectes, il est authentique même si il n'est pas mentionné dans le as-sahihay, c'est-à-dire dans le Bukhari et Muslim, parce qu'il y a des gens égarés ou ignorants qui pensent que si un hadith n'est pas dans le Bukhari et Muslim, il n'est pas sahih. Non, c'est pas vrai. Un hadith peut ne pas être dans le Bukhari et Muslim et être sahih quand même, parce que il y a dans les autres livres de hadith et les autres recueils de hadith des hadiths authentiques aussi. Hein? Dans Sunan Abi Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah, il y a des hadiths authentiques dedans. D'ailleurs que même la plupart des hadiths dedans sont authentiques. Dans la Musnad de l'Imam Ahmad, la plupart des hadiths qui sont dedans sont authentiques. Il y a par contre des hadiths da'ifs dedans, mais les ulama les ont distingués, ils les ont classifiés. Et donc on peut savoir lesquels sont sahih, lesquels ne le sont pas. Et donc, si tu vois par exemple parmi les gens de l'égarement ou les gens de l'ignorance, certains vont dire le hadith de 73 sectes il n'est pas authentique. Pourquoi? Il dit parce qu'il n'est pas dans Sahihain. Mais le fait qu'il ne soit pas dans Sahihain, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Sinon quoi, on va rejeter tous les hadiths qui ne sont pas dans le Bukhari et Muslim? Il y a des milliers de hadiths qui ne sont pas dans le Bukhari et Muslim mais qui sont Sahih. On ne peut pas les rejeter. Et le cheikh il dit walakin isnaduhu jayyid, donc la chaîne de transmission de ces hadiths là il est bon. Et un grand nombre parmi les savants de hadith ont authentifié ce hadith là et il y a des narrations de ce hadith qui viennent renforcer qui font qu'ils se renforcent les uns les autres. Parfois dans les hadiths il y a différentes narrations du même hadith, certaines qui sont bonnes et d'autres qui sont faibles, mais quand on les réunit toutes ensemble, eh bien celles qui sont bonnes viennent renforcer celles qui sont faibles. Donc le hadith il devient sahih, hein, ou bien il devient hasan li ghayrihi ou sahihun li ghayrihi, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour les ulama de la science du hadith, eux ils savent, ils comprennent les règles qui déterminent l'authenticité des hadiths, et ils savent donc comment prouver et montrer l'authenticité de ces hadiths là. Mais ceux qui renient le hadith, hein, à cause de, c'est à cause de leur ignorance et parce qu'ils ne connaissent pas la science qui est reliée au hadith. Et il y a aussi le fait que certains ils ont renié le hadith parce qu'ils n'ont pas compris sa signification. Comme on a dit au dernier cours, quand Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué le hadith, il a dit, ça ne veut pas dire, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise que 73 sectes, elles sont toutes en enfer excepté une, ça ne veut pas dire que les 72 sectes qui sont en enfer sont tous des koufars. Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils ont compris. Hein? Et tu entends des fois des ignorants comme ça qui disent, ah, vous, vous pensez que vous allez être les seuls qui vont pas aller en enfer. Et tous les autres musulmans qui sont pas d'accord avec vous sont tous en enfer, ça veut dire que c'est tous des koufars. Non. Le fait qu'on dise qu'il y a 72 sectes qui sont en enfer et une qui sera au paradis, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elles sont tous, hein, celles que les 72 qui sont menacés de l'enfer, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en enfer, qu'elles sont toutes mécréantes. Hein? Et on l'a expliqué au dernier cours. Hein? Et le cheikh, justement, il dit, « فَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِ لَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ كُلُّهَا فِي النَّارِ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْفَرَقْ كَافِرَةً بَلْ فِيهَا تَفْصِيلٍ بِحَسَبِ نَوْعِ الْافْتِرَاقِ فَالْافْتِرَاقُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ افتراق ضلال فقط وافتراق كفر وشرك. Donc il dit, quand on dit qu'elles sont toutes en enfer excepté une, ça ne veut pas dire que celles qui sont en enfer sont toutes mécréantes. Il y a une clarification, une explication à donner. Ça dépend de la sorte de division et pourquoi ils se sont divisés et quel est leur égarement. Donc là il dit, la division, elle se divise donc en deux catégories. Une division qui est de l'égarement et l'autre qui est shirk ou kufr. Donc si c'est une secte qui a dévié, qui s'est divisée à cause du shirk ou à cause du kufr, dans ce cas-là, si c'est du shirk majeur ou du kufr majeur, on va dire que c'est une secte qui est dans l'enfer. Oui. Mais si c'est, elle est mécréante parce qu'elle a fait du shirk majeur ou du kufr majeur. Hein? Comme la secte des Rafida parmi les Shia, eux qui par exemple font le shirk, ils adorent d'autres en dehors d'Allah, ou bien ils insultent les sahaba, hein, et des choses comme ça, ça c'est du shirk, c'est du kufr. Donc on va dire de ceux-là que ce sont pas des musulmans, c'est une secte donc qui est en enfer pour l'éternité. Les Jahmiyyah, les ulama, ils les ont déclarés kuffar. Plus que 500 imams parmi les imams des salafs ont déclaré des Jahmiyyah que ce sont des kuffar. Ils ont dit, toute personne qui dit Kalamullah makhluq fahuwa kafir. Toute personne qui dit la parole d'Allah est créée, ce sont des kuffars. Et donc les Jahmiyyah, les ulama des salafs et les imams des salafs les ont considérés comme étant des kuffars. Maintenant, ça c'est un exemple. Donc on va dire par rapport aux Jahmiyyah, bon, ceux-là sont des kuffars. Par contre, les autres, parmi les autres sectes, il y en a que les ulama ils les ont pas déclarés kuffars de façon absolue, hein? Comme par exemple les khawarij, les ulama, il y en a certains qui les ont déclarés kuffars et d'autres qui les ont pas déclarés kuffars. Et la réalité c'est que il y a des détails, il y a des distinctions entre eux, hein? Puisque il y a certains ulama ont dit oui ils sont des kuffars parce qu'ils rendent halal ce qui est haram, le meurtre, ils rendent halal le fait de tuer. Hein? Et ça c'est kufr. Ou bien également, qu'est-ce qu'ils font? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyya, wal muruq, ça veut dire al-khuruj, yakhrujuna min ad-din, hein, muruq as-sahm min ar-ramiyya, c'est-à-dire ils passent à travers la religion comme la flèche quand elle traverse, hein, l'animal quand tu tires, tellement ils passent rapidement à travers l'islam. Il reste aucune trace de l'islam sur eux quand ils traversent, ils passent à travers. Et souvent, ça, c'est la réalité des khawarij. Ils rentrent dans la religion sans connaissance et sans compréhension. Donc, ils tombent dans l'extrémisme et ils tombent dans l'exagération. Puis après, ils sortent de la religion à cause de leur extrémisme, justement. Puis tu vois sur eux aucune trace de l'islam par la suite. Et c'est ça que tu vois aujourd'hui. Hein? Il y a des gens comme ça. Comme il y a des gens, par exemple, il y en a qui disent, moi j'ai été, j'ai été dans l'islam, j'ai pratiqué la religion, mais tu les vois maintenant, ils ont, même certains d'entre eux, ils ont complètement abandonné la pratique. Hein? Et certains, en plus, sont des menteurs parce que ils étaient parmi les khawarij et les takfiriyin, mais ils prétendent qu'ils étaient des salafis, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la salafie. Et surtout, même quand tu vois leur réalité, quand ils t'expliquent c'est qui les prêcheurs qu'ils écoutaient, c'est qui les gens qu'ils suivaient, tu vois que c'est des hizbiyin, des khawarij, takfiriyin. Ça n'a rien à voir avec les la salafie. Hein? Puis après, ils disent, j'étais salafi, j'ai quitté la salafie, parce que ça, c'est l'extrémisme. Et là, tu vois, maintenant, ils ne pratiquent plus l'islam. Et il y en a, par exemple, il y a une fille en France, là, elle était devenue populaire, justement, par rapport à ça. Elle a écrit un livre, elle est passée dans les médias, puis elle parle du fait que, oh oui, j'étais salafia, et puis maintenant, j'ai abandonné ça. Tu la vois maintenant, elle porte plus de voile, elle s'habille. Hein, elle se montre avec des vêtements qui divulguent sa forme et tout, alors qu'auparavant elle prétend qu'elle était salafia et elle dit qu'elle était mariée avec un salafi. Et pourtant, quand tu lis les exemples, qu'est-ce qu'elle mentionne dans son livre, tu vois que les gens qu'elle mentionne, c'est des khawarij takfiriyin, ça n'a rien à voir avec les salafiyin. Et le fait qu'une femme porte le djilbab, le niqab, et qu'un homme porte la barbe et le qamis, ça ne veut pas dire que la personne est salafie. Et ça n'a rien à voir avec les salafis. Même, comme tu dis, même des chiites s'habillent comme ça, même des soufis s'habillent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont salafis. La salafie, ça commence par la aqida. Et ça commence par le manhaj des salafs. Si quelqu'un, il contredit la aqida des salafs, et il contredit le manhaj des salafs, puis que son extérieur, à l'extérieur, il porte la barbe et le qamis, et la femme, elle porte le niqab et le djilbab, ça ne veut pas dire qu'elle est salafia, parce que la salafia, c'est avant toute chose la aqida et le manhaj. Et eux, ils ont ni l'aqida ni le manhaj. Donc, comment ils peuvent prétendre être salafi? Hein? Donc, c'est ça le malheur. Et donc, des gens comme ça, comme je pense qu'elle s'appelle Hayari ou quelque chose comme ça, il y en a d'autres. Non, c'est pas celle-là. Il y en a peut-être une autre, mais celle dont je parlais, c'était une autre. Là, c'est d'origine, je pense qu'elle est d'origine tunisienne ou quoi. Et puis, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. En tout cas, c'est juste pour te dire, il n'y en a pas juste une comme ça, il y en a d'autres. Et il y a des fois, c'est des hommes, des fois, c'est des femmes. Et ils viennent. Et tout ça, c'est dans le but de salir les salafis et de faire peur aux gens à propos de la salafia pour faire aux gens, pour faire croire aux gens que ceux qui font les actes de terrorisme, ceux qui font le takfir et qui appellent au djihad déformé et falsifié, comme les groupes de Daesh et Al-Qaïda et autres qui font du terrorisme, que ces gens-là sont des salafis aussi. Et le résultat, c'est que les gens, ils parlent de la salafia et ils font l'amalgame entre la salafia et les khawarij et les takfiriyin, et ils s'imaginent que ces gens-là, c'est ça, la salafia. Alors qu'on n'a rien à voir ni avec ces gens-là, ni avec qu'est-ce qu'ils font. D'accord? Mais c'est les ruses des médias. Hein? Encore une fois. Yani, عندهم صفات الخوارج. Na'am. Tous ceux qui appellent à la démocratie, qui utilisent les élections et ce genre de méthodologie et qui se disent musulmans ou qui appellent à l'islam au nom de la démocratie ou bien qui sont laïcs. Ils ont tous des caractéristiques des khawarij. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous essayer d'enlever le dirigeant qui est au pouvoir pour le remplacer par un autre. Hein? Dans le sens qu'ils ne veulent pas accepter l'autorité de celui qui est au pouvoir et de l'écouter et de lui obéir dans le bien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il a dit Il y a le hadith de, comment il s'appelle, un des sahaba. Je vais vous montrer le hadith. C'est Ubadat ibn Samit. Oui, c'est celui-là. Oui. Il dit, دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أو عندكم من الله فيه برهان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Qalu ya rasulullah kayfa ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Na'am. Donc il dit, on est allé voir Ubadat ibn Samit, on est rentré chez lui, il était malade. On lui a dit, donne-nous un hadith. Hein, que Allah va nous faire profiter par ce hadith-là. Hein. Et il dit, j'ai entendu le messager... Non, il dit, un hadith que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le messager d'Allah nous a appelés. Et nous lui avons donné l'allégeance, al-bay'a. Et parmi les choses qui nous ont été demandées dans cette allégeance-là, parce que quand les gens donnent l'allégeance aux dirigeants, en général, il y a des clauses, il y a des conditions qui sont mentionnées dans cette allégeance-là. Et parmi les conditions qu'il a mentionnées dans cette bay'a, il dit qu'on allait l'écouter et l'obéir. Fi man shatina wa makrahina. C'est-à-dire dans les choses qui nous motivent et dans les choses qui nous déplaisent. Wa usrina wa yusrina. Dans les choses qui sont difficiles comme dans les choses qui sont faciles, ou bien quand on est dans l'aisance ou dans la difficulté. Wa atharatin alayna. Atharatin alayna, ça veut dire quoi? Les ulama, ils ont dit athara, ça veut dire quand les gens qui sont au pouvoir sur nous, ils s'offrent des privilèges dans la dunya, et ils se permettent des choses qu'ils ils nous permettent pas, ou ils prennent leurs droits mais ils nous donnent pas nos droits. Et après, il a dit wa an la nunazi' al-amra ahlahu, et on ne va pas disputer à ceux qui détiennent le commandement l'autorité. On va pas leur disputer l'autorité à ceux qui le détiennent. Et donc il dit, excepté si vous voyez un coffre qui est clair et apparent et au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'un musulman qui est dirigeant, on n'a pas le droit de lui désobéir dans le bien, et on n'a pas le droit de lui disputer l'autorité et le commandement. Et ça implique le fait de justement de pas créer des groupes, de pas créer des divisions, de pas créer des partis, de pas essayer de le remplacer ou de l'enlever du pouvoir pour mettre un autre à sa place, tant qu'il est musulman. Et qui n'ait pas fait un acte de kufr clair et apparent. Et à propos du terme al-athara, قال l'imam al-Nawawi, قال العلماء wal-athara al-istithar wal-ikhtisas bi-umur al-dunya alaykum. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, alayka sam'a wa ta'a في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال العلماء كما حكاه النووي والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. Donc الأثرة, ça veut dire le fait de se donner des privilèges et des particularités dans les affaires de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit écoutez et obéissez, même si vos dirigeants se donnent des particularités ou des privilèges dans la dunya, et qu'il ne vous fait pas parvenir votre droit par rapport à ce qu'ils ont. Ils s'approprient les biens et ne vous donnent pas votre droit. Donc ça fait partie des exemples. Et comme tu dis, ces gens-là, ils viennent en contradiction. Donc c'est pour dire, yani, les khawarij, ils ont des déviations et des égarements. Mais ce n'est pas nécessairement du kufr. Donc on ne va pas dire de cette secte, par exemple, selon la majorité des ulama, on ne va pas dire qu'ils sont des kuffars. Malgré que certains parmi les salafs ont déclaré les khawarij kuffars avec des preuves, comme le hadith yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiya, et le fait qu'ils rendent halal ce qui est haram. Et d'autres ont expliqué que oui, ils rendent halal le meurtre, mais c'est à cause d'une shubha. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a été débattre avec eux pour les ramener à la vérité. Et beaucoup d'entre eux sont revenus. Quand il est parti voir les Haruriyah, ils étaient à peu près 6000. Il est parti pour débattre avec eux. Il est revenu avec, je pense, 2000. Il est revenu avec 2000 et les autres sont restés. Donc c'est pour dire, il les avait considérés kuffar, probablement qu'il ne serait pas nécessairement allé débattre avec eux. Wallahu ta'ala a'lam. Et le cheikh il dit ensuite وفي عهد القرون الثلاثة المفضلة كان المخالفون مكبوتين وأهل الحق ظاهرين ظاهرين عليهم فلما انقضت القرون الثلاثة ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي فلا أدري في الثالثة أو الرابعة ثم إنه يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته فلما انقضت القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة حدث الشر في الناس وظهرت الفرق على مذاهبها وأصولها. Donc le cheikh il dit que yani, après les trois premières générations, c'est là que les innovations ont commencé à se propager. Parce que pendant les trois premières générations, même s'il y avait des déviations, parfois des oppositions à la sunna, mais c'était des individus qui apparaissaient comme ça et ils étaient automatiquement écrasés. Parce que les gens de la vérité étaient forts et apparents. C'est eux qui avaient la force. Mais lorsque les trois premières générations sont disparues, c'est là que le mal a commencé à apparaître et que les sectes ont commencé à divulguer leurs égarements et leur mal de façon apparente. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, la meilleure génération, c'est ma génération. Puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et le narrateur de ce hadith-là, il dit, je ne sais pas s'il a parlé de la quatrième ou de la troisième ou de la quatrième génération après lui. Donc, il dit, et ensuite de ça, il va y avoir des gens qui vont venir après eux, après ces trois générations-là, dont le témoignage va précéder le serment, et dont le serment va précéder le témoignage. En voulant dire que c'est des gens qui ne vont pas être honnêtes dans leur témoignage et qui ne vont pas être véridique. Et il dit ensuite que lorsque donc ces trois générations ou ces quatre générations-là sont disparues, c'est là que le mal est apparu et s'est propagé parmi les gens et que les sectes